peux savoir à qui je parle ? Tu sais d'où ça vient, de là-haut, de là où les horizons paraissent lointains, de l'or entre les mains, de la force pour les miens. Je ramène un nouveau flot, fléau certifié par Lucifer et par les frères. Rappel judiciaire dès le matin, 13h du mat, si les boulets jacassent, moi je m'égare dans des pensées sombres et glauques. Souvent Stone est mort, si le lion sort ce est mort. Devine qui est le roi, dans cette jungle je m'accroche aux lianes. Demande à Marianne qui tire les ficelles et les strings ficelles des gazelles. La pudeur s'est faite violer par la société au coin de la rue. Elle, tout le monde s'en bat les reins et si on lâche pas le frein, le cœur par la frais, par les frais que je croyais vrai. Toujours au B pour un truc de fada, appelle-toi. Planque pas ton âme dans la rétine pour me fusiller du regard. Si le savoir est une arme, bienvenue dans mon bunker. Oh, c'est la machine de guerre contre la machine de glaire. Du rap marginal contre du rap vaginal. Et la famille, c'est la voix du sud sale contre la voix des suceurs. Quoi qu'il arrive, appelle-moi Kerox. Quoi qu'il raconte, rajoute de l'anthrax. Quoi qu'il se passe, on sera toujours au top. Écrase le mégot, tiens la trique, c'est un mégot trip. Quoi qu'il arrive, appelle-moi Kerox. Quoi qu'il raconte, rajoute de l'anthrax. Quoi qu'il se passe, on sera toujours au top. Écrase le mégot, tiens la trique, c'est un mégot trip. Quoi, quoi, ici Kerox. Quoi, ici Kerox. Quoi, quoi, ici Kerox. Quoi, quoi, ici Kerox. Toujours dans les temps, toujours dans les danses. C'est Kerox au max, harcèlement textuel sur la bande, arrêt d'urgence. Parapluie de bitume, je pense qu'il y a de l'acide. Par habitude, je résonne dans les barils. Des sens et de kérosène, flot coupé avec un rail d'SNCF. Te tenez vos chaînes en laisse, amigo, j'aime l'ego. Mais les gaz, une flamenco, flamenco dans ma tête. Attentat verbal, bordel, soy el fuego, fratello, coup de ciseaux sur les langues de pute. Le flow d'Izou n'est pas au bus, ni au but. Et puis zut, tremble ta flûte, amorce un missile scud, hein, direct du sud. Quoi qu'il arrive, appelle-moi Kerox. Quoi qu'il raconte, rajoute de l'anthrax. Quoi qu'il se passe, on sera toujours au top. Écrase le mégot, tiens la trique, c'est un mégot trip. Quoi qu'il arrive, appelle-moi Kerox. Quoi qu'il raconte, rajoute de l'anthrax. Quoi qu'il se passe, on sera toujours au top. Écrase le mégot, tiens la trique, c'est un mégot trip. Qu'est-ce clair, reste clair, j'arrive de obscurité, déterre, déterminé dans le game. Le terrain est mimé, trop d'imitations, trop de guns de tasse, trop de pulsions. Irrégal et sanglant, trop bancal et semblant, prêt à tout niquer pour arriver au sommet. Là où l'argent est roi et l'amitié le bouffon. Si je te parle, tu me crois, chaque parole n'est que trahison. Arrêtez-moi là, je suis parti trop loin dans mon délire. D'élite fuite dans l'avenir, refait surface. Chassé Kerox et le conscient revient au galop. Une galop entre les doigts, goudron dans les poumons. Gars, you dans la voix, oui, ski dans le foie. Autodestruction enclenchée, c'est la génération Kaira méga pétard, si chagros, qu'est-ce mal pour autant. Ton avis nique sa mère, j'définis les tarots. Quoi qu'il arrive, appelle-moi Kerox. Quoi qu'il raconte, rajoute de l'anthrax. Quoi qu'il se passera, on sera toujours au top. Écrase le mégot, tiens la trique, c'est un mégot trip. Quoi qu'il arrive, appelle-moi Kerox. Quoi qu'il raconte, rajoute de l'anthrax. Quoi qu'il se passera, on sera toujours au top. Écrase le mégot, tiens la trique, c'est un mégot trip. Quoi qu'il arrive, appelle-moi Kerox. Quoi qu'il raconte, rajoute de l'anthrax. Quoi qu'il se passera, on sera toujours au top. Écrase le mégot, tiens la trique, c'est un mégot trip. Quoi qu'il arrive, appelle-moi Kerox. Quoi qu'il raconte, rajoute de l'anthrax. Quoi qu'il se passera, on sera toujours au top. Écrase le mégot, tiens la trique, c'est un mégot trip. Appelle-moi Kerox. Rajoute de l'anthrax. Appelle-moi Kerox. Rajoute de l'anthrax.